trop chargé des vôtres. J'ai trop chargé ma voix, mes problèmes sont les vôtres. J'ai égorgé ma foi, qui me rassure pour mes fautes, qui me réchauffe quand j'ai froid. Pareil que j'aide les autres, moi, mais qui m'aide à moi. Je me suis trop chargé des vôtres, j'ai trop chargé ma voix, mes problèmes sont les vôtres. J'ai égorgé ma foi, qui me rassure pour mes fautes, qui me réchauffe quand j'ai froid. Pareil que j'aide les autres, moi, mais qui m'aide à moi. Qui me réchauffe quand j'ai froid, qui peut me rassurer, qui peut me perdre dans ses bras, qui peut me l'assurer. J'ai pas confiance en tes draps, pourtant ici là tu es. Raturés sont mes drames, oui les mesdames m'ont tué. Plus je pense à moi, plus j'apprends à pardonner. Je vis des semaines en émoi, j'ai la semelle du cordonnier. Postal n'est pas la boîte, bonheur sans coordonnées. Je mélange la peine et la joie, moi j'ai rien d'ordonné. Je l'ai perdu, je l'ai gagné. Je l'ai gardé dans mes vertus, je l'ai perdu dans le panier, égaré dans l'amertume. Je me suis trop chargé des vôtres, j'ai trop chargé ma voix, mes problèmes sont les vôtres. J'ai égorgé ma foi, qui me rassure pour mes fautes, qui me réchauffe quand j'ai froid. Pareil que j'aide les autres, moi, mais qui m'aide à moi. Je me suis trop chargé des vôtres, j'ai trop chargé ma voix, mes problèmes sont les vôtres. J'ai égorgé ma foi, qui me rassure pour mes fautes, qui me réchauffe quand j'ai froid. Pareil que j'aide les autres, moi, mais qui m'aide à moi. Le pouvoir nous écrasons, je me rassois, je deviens vla sombre. Le silence pour seul maçon, je n'entends que le bruit des glaçons. Au-delà des ondes, je m'efface, gasse, tu parles à foison. Je suis un homme de valeur classe, si tu t'égares, je n'aime pas la façon. De principe et fais le blason, tu m'écoutes comme du poison. Mais un poison qui te sort de cage, en live tu sautilles comme un poisson. Si mes soucis s'amassent, j'attendrai la moisson. Loin de ceux que l'on ramasse, broyés, noyés au fond de la boisson. En vrai, à qui? En vrai à qui? J'ai dit en vrai à qui? Yeah. En vrai à qui? Eh oui, à qui? A qui ou por allá? Yeah. Por allá ou por aquí? Je me suis trop chargé des vôtres, j'ai trop chargé ma voix, mes problèmes sont les vôtres. J'ai égorgé ma foi, qui me rassure pour mes fautes, qui me réchauffe quand j'ai froid. Pareil que j'aide les autres, moi, mais qui m'aide à moi. Je me suis trop chargé des vôtres, j'ai trop chargé ma voix, mes problèmes sont les vôtres. J'ai égorgé ma foi, qui me rassure pour mes fautes, qui me réchauffe quand j'ai froid. Pareil que j'aide les autres, moi, mais qui m'aide à moi.